C'est l'histoire d'un type. Et vous la connaissez, c'est ça? Pédiscu pensé par le code de sexe, il est bien, mais c'est complexe. C'est l'histoire d'un type qui fait des soeurs où personne vient. C'est l'histoire d'un type qui se coupe et s'écorche les mains. C'est l'histoire du type qui vit pour pas entrer ses parents. Alors il voit que c'est là qui devient marrant. Écoutez bien, il est pas à l'ouest, mais complètement au nord. Il picole comme un russe, en plus, et puis dans sa ville, il est déjà mort. C'est l'histoire d'un type qui a plusieurs types de personnalités. C'est pas un culte parce qu'il chante en scène, il a besoin de parler. Mais il y a que lui-même pour l'écouter, personne n'aime ce qu'il fait. En fait, on n'en sait rien, les gens n'osent même pas lui parler. C'est l'histoire d'un type qui est pas stable, qui cherche une relation durable, qui se balade avec son gros cartable. Le poids du monde sur les épaules. La douleur est palpable, elle est insoutenable. Son deuil est soutenable, il est pas soutenu, pas tenable. Mais tenace, c'est l'histoire d'un type qui te menace. Prends ça comme du fleurat, minette. Pas comme du gothique de mauviette. Mais si t'es pas du même sexe, t'inquiète, tu peux s'y calmer si tu l'intéresses. C'est l'histoire de ceux qui n'en avaient pas. C'est le seul type qui ne connaît pas l'amour. C'est le seul type qui va venir quand même. Il se prend plein le gueule tous les jours. Il va brûler ton cabriolet. Mais c'est le temps type qu'à rencontrer l'amour. Il va le bouffer comme du riolet. C'est l'histoire d'un type comme rien à branler, ta musique trop parfaite. Il est pas là pour se la péter mais pour faire la fête. Son son écrase, il aime ça et ses codés. Son projet artistique bien élaboré mais pas coté. C'est l'histoire d'un type qui se définit pas plasticien, musicien. On en a marre de la vie monochromatique comme Yves Klein. C'est l'histoire d'un type mais je crois que tu t'en fous un petit peu. C'est plus pour te faire chier que t'ouvrir les yeux. Le travail c'est toujours lui qui s'y colle mais du coup ta femme aussi il s'y colle. C'est l'histoire d'un type qui a vendu son âme au diable pour que ce dernier finance ses CD en coproduction avec l'Anté, l'Indé. Comme ta maison tu es hantée, tu n'en ressortiras pas entier. De chez la télé, tu vas te faire la télé. C'est l'histoire d'un type du petit qui parle que de lui pour te faire chier parce que tu t'en fous de sa vie. De toute façon, la vie est morte, à Noël on s'en prend pas des cadeaux, on se fait du troc. C'est l'histoire d'un type qui est tout le temps en mouvement, hyper collant, mouvement dépressif comme le burlesque. Burlesque comme la photo de la femme de Marilyn Manson. Sauf que ce boy il fait ni playback ni playboy. C'est l'histoire du mec à qui on ne rend jamais la monnaie pour se rembourser ou se venger. Les enfants rient quand il s'écroule avec ses 60 kilos de bagages. Il s'en fout, il s'en bat les couilles, il crase l'autre. C'est un jeu, il en a plus l'âge. C'est le type qui ne connaît pas l'amour. C'est le seul type qui va venir cambrioler. Il se prend plein le gueule tous les jours. Il va brûler ton cabriolet. Mais c'est le seul type qui a rencontré l'amour. Il va le bouffer comme du riolet. bien connu. Il dépressif juste pour faire son intestin. Vu que tout le monde s'en branle, il aime être triste, il pleure, il sort. C'est l'histoire un peu dure en interne de psychiatrie. Il est pas normal, fait d'une pop, elle va pas s'empêcher de tourner au métal. Les gens pèsent, il lit tout seul dans son lit. Y'a que lui qui lui la nuit. Quand il rentre, il pète les câbles. Il a des envies de câble. Mais il aimerait bien être comme les autres. Draguer pour fuck et les salopes. Mais il y arrive pas. Il est bien trop amoureux pour ça. C'est l'histoire d'un misanthrope. Mais qui téléphone sans arrêt. C'est l'histoire d'un type qui vit dans une petite douche froide et glacée. C'est l'histoire d'un fou. C'est pas des foutaises et j'espère qu'il va bien te marrer. Ce type est dans ma tête depuis des années.